premier temps d'une nouvelle série de La Fabrique de l'Histoire sur les pirates, pendant laquelle nous parlerons de piraterie antique, d'archéologie de la piraterie et de représentation artistique de ce même phénomène. Pour débuter cette nouvelle semaine, nous avons la chance d'avoir avec nous depuis les studios de Radio France à Nantes, que nous remercions de l'y accueillir, Philippe Rodège, maître de conférence à l'Université de Bretagne Sud, qui a coordonné avec Gilbert Buty deux gros ouvrages publiés chez CNRS Éditions sur ce thème, l'histoire des pirates et des corsaires de l'Antiquité à nos jours et le dictionnaire des corsaires et pirates. Avec lui, nous allons tenter de comprendre les différentes catégories de ces larrons et écumeurs des mers, comme on les appelait au Moyen-Âge, mais aussi les évolutions de la piraterie entre le Moyen-Âge et l'âge d'or de cette même piraterie, le XVIIe siècle. Bref, des pirates, des corsaires, des jambes de bois, des îles mystérieuses pour débuter la semaine. Philippe Rodège, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous, donc en duplex depuis les studios de Radio France à Nantes, qui vous y accueille. Vous êtes chercheur, historien, maître de conférence à l'Université de Bretagne Sud, et surtout, vous êtes un des meilleurs connaisseurs en France de la question de la piraterie et du milieu des corsaires, puisque vous avez dirigé deux gros livres avec Gilbert Buty sur ce thème au CNRS Éditions, le dictionnaire des corsaires et des pirates, ou encore l'histoire des pirates et des corsaires de l'Antiquité à nos jours. Vous y insistez dans un de ces deux livres, en introduction, sur l'importance du renouvellement qu'il y a autour de cette question des pirates et des corsaires depuis maintenant une trentaine ou une quarantaine d'années, depuis un grand colloque international d'histoire maritime qui s'est tenu à San Francisco autour de course et piraterie en 1975. Oui, parce que à cette époque, les historiens maritimistes qui se sont réunis lors de ce fameux colloque, qu'on a choisi, disons, comme date pour introduire une bibliographie dans les deux ouvrages, ont décidé, entre autres choses, de s'intéresser à la course et donc à ces corsaires. Hein, et depuis, effectivement, la production a été particulièrement nombreuse. Eh bien, il y a cette composante supplémentaire qu'est la piraterie. Et donc, dans le sillage de la course, la piraterie a également eu un certain nombre d'historiens qui s'y sont intéressés. Vous avez la chance, d'une certaine façon, de vous intéresser à un domaine qui fait rêver beaucoup d'entre nous, savoir cette piraterie et ce milieu des corsaires. Et en même temps, c'est peut-être aussi une sorte de malédiction. Vous insistez dans l'histoire des pirates et des corsaires sur les différentes représentations, parfois farfelues, qui tournent autour de ce milieu de la piraterie. C'est à la fois un attrait, mais c'est aussi une difficulté pour l'historien que vous êtes. Alors oui, la difficulté, clairement, c'est que à ne voir que les pirates, on oublie ce qu'est la mer, et donc les gens qui naviguent dessus, les gens de mer, les marins, de bien comprendre effectivement que les pirates sont tous à la base des marins, et donc c'est bien plus finalement aux gens de mer dans leur globalité qu'il faudrait s'intéresser. Ensuite, de bien comprendre les origines de ces pirates. Certains sont d'anciens flibustiers, certains sont d'anciens négriers, certains finalement embarquent comme pirates de façon, je veux dire, contrainte et forcée. Il y a donc beaucoup de ces pirates qui ne sont absolument pas volontaires et qui naviguaient paisiblement sur un navire au commerce ou à la pêche et qui se retrouvent incorporés dans ces navires pirates. La deuxième chose, c'est qu'après, il faut bien comprendre un petit peu ce que sont les archives qui permettent aux historiens de parler des pirates. Un pirate, contrairement à d'autres, n'a aucun intérêt finalement à s'illustrer particulièrement dans la rédaction de ses mémoires. Donc les archives dont on dispose sont essentiellement liées au procès. Lorsque ceux-ci effectivement ont été capturés, ou alors le témoignage de victimes. Donc c'est finalement quelque chose de très particulier que d'avoir des gens dont on ne parle que lorsque l'on est finalement leur bourreau ou leur victime. Le pirate lui-même se livre très peu, vous l'imaginez bien. Alors, on peut aussi dire à nos auditeurs, en tout début de cette émission et de cette série consacrée à la piraterie, que les termes ont évolué, qu'il faut, quand on fait l'histoire de la piraterie, s'intéresser à cette évolution des termes pour permettre à toute personne qui voudrait comprendre ces évolutions de s'y retrouver. Le pirate n'est pas un flibustier, le boucanier est-il un flibustier, un pirate, ça n'est pas toujours le cas. Cette piraterie telle qu'elle est considérée, eh bien, elle renaît surtout à la fin du Moyen-Âge sous ce terme-là, alors que ce terme avait été oublié depuis l'Antiquité romaine. Il y a donc des termes qu'il nous faut peut-être, à l'orée de cette émission, donc définir avec vous, Philippe Rodège. Oui, bien sûr. Alors, disons que il y a en plus une différence entre la Méditerranée et les mers ponantaises. Mmh. En Méditerranée, la religion a aussi, comment dire, mis une marque plus importante, et donc qui vient aussi compliquer l'explication du phénomène. Je dirais que des pirates au Moyen Âge, dans ce qui a donc succédé à l'Antiquité, les pirates étaient effectivement nombreux. Le livre en fournit plusieurs exemples, hein, les Italian Brooders ou d'autres. La piraterie a toujours été endémique, par exemple, dans les côtes sud de l'Angleterre. Simplement, s'est ajouté à cela ce qu'on a appelé les lettres de représailles. Les lettres de représailles étaient tout simplement le fait qu'un marchand qui avait été spolié de l'un de ses navires pouvait réclamer réparation, c'est-à-dire le droit de faire à son tour une prise à hauteur du préjudice qu'il avait subi. Et ces lettres de représailles, finalement, c'est la base juridique de ce qui a abouti à la course après. Et donc, à l'époque, par exemple, de Louis XIV, hein, on a effectivement une juridiction, on a une des lois, je veux dire, qui sont parfaitement abouties, qui sont le fait également de concertation bipartite, tripartite, c'est presque international finalement comme réglementation, et donc là on a effectivement un corsaire qui se détache complètement du pirate, même si évidemment la mer étant toujours un espace éloigné des yeux, on peut toujours se livrer à quelques fraudes. Donc le corsaire à la fin du XVIIe siècle n'a plus rien à voir avec le pirate. Maintenant, si on franchit l'Atlantique, là, on se retrouve avec ce qu'on appelle des flibustiers. Alors, la flibuste, elle est née au XVIe siècle. On avait d'abord des gens de mer, des corsaires, qui appareillaient de ports comme Bayonne, comme Saint-Malo, comme les ports normands, comme La Rochelle, et qui allaient faire des déprédations dans les colonies espagnoles d'Amérique. Ces flibustiers ont fini par établir des bases au XVIIe siècle dans le sillage de la colonisation, établir des bases directement en Amérique, et donc ces flibustiers ont opéré directement des Saintes, de la Tortue, du Petit Goave ou du Port Royal de la Jamaïque. Donc, si vous voulez, au XVIIe siècle, on arrive à un système qui est purement américain. Hein, on arme en Amérique, on désarme en Amérique, et la liquidation se fait sur place. Ces flibustiers vont voir arriver avec eux ce qu'on appelle des boucaniers. Alors, les boucaniers, c'est ce sont des gens très différents à la base, puisque ce sont des chasseurs. Ce sont des chasseurs qui ont profité du fait que les Espagnols, à l'origine, ont lâché sur les Antilles notamment, hein, mais ça s'était déjà fait à Madère ou ailleurs, ont lâché du bétail. Ce bétail, n'ayant pas de prédateurs naturels, s'est reproduit. Donc, finalement, on a des terrains de chasse qui sont particulièrement avantageux, notamment pour chasser les vaches et donc obtenir des cuirs. Donc, les boucaniers sont des chasseurs qui, avec effectivement des armes de précision, ces longues armes, hein, qu'on voit représentées sur les gravures de l'époque, eh bien, lorsque leurs terrains de chasse vont se raréfier, eh bien, ces gens-là vont embarquer avec les flibustiers. Donc, boucanier, flibustier, hein, ça devient un petit peu la même chose, et de fait, on considère que ces flibustiers boucaniers sont particulièrement adroits, hein, dans la façon de tirer, ce qui leur permet comment dire, de s'emparer de prises peut-être plus facilement en les mitraillant de loin avant que de les aborder. Alors ces flibustiers, ces boucaniers, on les appelle aussi les frères de la côte. Cette flibuste, hein, elle a eu ses heures de gloire, je dirais, dans les années 1670, 1680, encore jusqu'en 1690. La donne a changé, l'économie mondiale s'est modifiée, et tout le monde s'apercevait bien aux Antilles que finalement, un commerce régulier, notamment avec les colonies espagnoles, notamment à base d'esclaves, était assurément plus rentable sur le long terme que ces opérations de prédation qui ne faisait que envenimer les choses et qui déclenchait finalement des actions de représailles. En conséquence de quoi, ces flibustiers sont devenus progressivement persona non grata et ils ont une partie d'entre eux qui n'acceptaient pas la sédentarisation, ont tout simplement tourné forban. Donc c'est l'introduction d'un autre terme. On parle beaucoup plus de forban à l'époque, mais on parle aussi évidemment de pirates. Donc si vous voulez, l'origine des pirates, pour partie importante, eh bien, ce sont tout simplement des flibustiers qui servaient, je vous dis précédemment, avec des lettres de marque, qui étaient finalement, qui avaient des papiers, je dirais, pour leur bateau, qui étaient en bonne et due forme, et qui ont fini par œuvrer pour leur compte propre, mais toujours en gardant quand même le souvenir de leur nationalité première. Ce qui fait que il faut pas oublier que durant l'âge d'or des pirates, beaucoup de capitaines pirates ont été dégradés, c'est-à-dire abandonnés sur des îles désertes et là effectivement je veux dire ce qu'a utilisé Stevenson est tout à fait vrai, c'est tout simplement parce qu'ils refusaient de prendre sur les gens de leur nation. Donc ce sentiment qui est resté très fort chez certains pirates de ne pas s'attaquer aux gens de leur nation. Alors ce qui est tout à fait évident, c'est que les 30 ou 40 ou 50 années donc de ce grand âge d'or de la flibuste dont vous avez parlé à l'instant même, Philippe Rodège, recouvre des variétés d'approches historiques, des variétés de situations historiques très très grandes, et que ils font ces quelques dizaines d'années, ces quelques décennies font écran à tout le reste en l'occurrence. Et est-ce qu'on peut comprendre déjà pourquoi ce Jolly Roger, le drapeau à tête de mort, a recouvert cette immense variété que vous décrivez dans l'histoire des pirates et des corsaires que vous avez co-dirigé avec Gilbert Buty, Philippe Rodège? Alors le Jolly Roger, c'est-à-dire pavillon noir avec en général une tête de mort et puis des tibias qui se croisent, n'apparaît que à partir de 1700. Le premier témoignage date de cette année. Auparavant, on a surtout un pavillon rouge. Le pavillon rouge, c'est celui que l'on hisse dans la mâture pour signifier que l'on ne fera pas de quartier. Donc quiconque voit un navire s'approcher avec ce pavillon, en arborant ce pavillon, peut effectivement compter ses hommes, compter ses munitions et voir si effectivement le jeu vaut la chandelle de résister, ou s'il faut mettre en panne, affaler les voiles et puis baisser pavillon. Donc ce pavillon rouge, alors d'ailleurs c'est très intéressant parce que quand on va en Méditerranée, c'est un pavillon vert, ce sont les barbaresques, et l'effet est le même. C'est-à-dire qu'en général, les gens abandonnent le bateau quand ils se trouvent à proximité de la côte. Mais ce pavillon rouge a été donc remplacé progressivement, donc à partir du tout début du XVIIIe siècle, par un pavillon noir. Mais les représentations qui sont sur ces pavillons ont exactement le même but, c'est-à-dire le sablier, par exemple, pourrait indiquer le peu de temps qui reste aux gens pour prendre la bonne décision, c'est-à-dire celle de se rendre. La tête de mort, évidemment, est censé là aussi inspirer la terreur. Et puis il faut aller plus loin, parce que finalement ces apprentis pirates à l'époque, puisque c'était très récemment encore des flibustiers qui étaient tout à fait respectés chez eux, se noircissent le visage pour n'être pas reconnus. Donc il y a effectivement tout un décorum autour de cela. Après évidemment il y a eu des dérapages, il y a eu des équipages qui ont été massacrés, il y a eu des capitaines qui ont été torturés, mais personne finalement n'avait intérêt à pousser quand même trop loin les choses. Il faut quand même rappeler que c'est le butin qui compte. Alors évidemment, c'est une question de représentation, c'est parce que vous l'avez cité, Stevenson, dans L'île au trésor, mais beaucoup d'autres auteurs, Daniel Defoe ou d'autres, se sont attachés à décrire justement ces milieux de la piraterie tels qu'on les connaît dans le grand public aujourd'hui, que le cinéma naissant et ensuite tout un tas d'autres médias comme les jeux vidéo depuis se sont emparés de cette iconographie qui est simple et peut-être un peu simpliste parce qu'elle réduit un phénomène très vaste et très long, de très longue durée, à quelques figures imposées, évidemment le pirate à la jambe de bois qui ont existé, ces pirates à la jambe de bois bien entendu, ou des figures édentées telles qu'on peut les imaginer dans la littérature populaire, Philippe Rodège. Oui, mais comment dire, ces représentations, finalement, plus le temps passe et plus je m'aperçois qu'elles sont tout à fait fondées. Hein. Elles sont fondées pour une période de temps, alors que ce que vous racontez dans vos livres, c'est un phénomène mondial, un phénomène qui évidemment ne correspond pas à juste cette représentation-là. C'est-à-dire que d'une certaine façon, dans l'imaginaire de chacun d'entre nous et de chacune d'entre nous, il y a ces figures-là qui correspondent à cet âge de la flibuste et de la piraterie de la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle. Oui, voilà, tout à fait. Mais comment dire, prenons ces symboles si vous voulez bien. Le perroquet par exemple. Bon, depuis le XVIe siècle, des bateaux français qui partent de Honfleur, qui partent de Saint-Paul-de-Léon aussi, on en a qui partent de Normandie, fréquentent les côtes brésiliennes, et donc l'une des marchandises que l'on ramène, ce sont des animaux, dont les aras, dont les perroquets. Donc qu'il y ait des perroquets sur les épaules des marins, finalement ne surprenait personne à cette époque. La jambe de bois, on la trouve finalement beaucoup plus chez les corsaires, sans doute. Pour la simple et bonne mesure que en France, vous avez notamment un système qui est le système des classes, qui fait que tous les marins depuis Colbert ont été inscrits sur des registres et doivent servir le roi une année sur trois ou une année sur quatre selon les quartiers maritimes. Et donc, en période de guerre, quand il faut armer des escadres, on a besoin de dizaines de milliers de marins à certaines périodes. Et donc, vous avez pratiquement tous les gens de mer qui se retrouvent à embarquer sur les vaisseaux du roi. Résultat, on prend ce qui reste pour aller à la pêche, pour aller au commerce et pour armer les corsaires. Et ce qui reste, c'est pas compliqué, c'est ou des très jeunes, alors on a certains navires qui sont de véritables pouponnières, ou les très vieux, on a de véritables hospices flottants, ou des étrangers, ou des invalides. Et ces invalides, on a des rôles d'équipage qui sont tout simplement ahurissants, avec des gens qui sont hergneux, des gens qui n'ont pas de jambes, enfin qui ont perdu une jambe, peut-être pas les deux quand même, pas des culs de jatte, qui n'ont pas de bras, qui ont une vue exécrable, et ça on le voit à travers les rôles de demi-soldes. Et donc tous ces gens-là forment une partie importante de l'équipage, et on se demande effectivement comment ces navires corsaires pouvait naviguer. Donc le bandeau sur un œil procède exactement de la même analyse. Parmi les corsaires, il y a effectivement certaines périodes où, pour compléter les équipages, on prend effectivement tous ceux qui normalement, je dirais, devraient rester à terre. Donc que la transposition se fasse avec la piraterie, finalement c'était quelque chose d'assez facile à faire. Till I am, Kanakanakatul, we're bound away for Frisco Bay. We're bound away at the break of day. Nous revenons avec vous, en l'occurrence Philippe Rodez, sur la longue histoire depuis le Moyen-Âge de cette piraterie, pour montrer la variété dont on parle depuis le début de cette émission des situations. Il faut bien noter que, vous l'avez signalé, il y a une différence entre le domaine maritime des mers du Ponant, donc mer du Nord, Manche, etc., etc., et Atlantique, et puis une différence avec la Méditerranée, mais néanmoins qu'il y a un moment, visiblement, qui est un moment important, le 14e, le 15e siècle, qui change la donne. Vous avez évoqué des pirateries fréquentes et régulières sur les côtes anglaises ou les côtes de la mer du Nord, que ce soit en Irlande, aux Pays-Bas, ou dans le sud de la Baltique, et également en plein cœur du Moyen-Âge, au 12e, 13e siècle, mais il y a quelque chose qui surgit au 14e, 15e. D'abord, peut-être une législation différente, une façon de se comporter sur les mers de façon différente. Vous pouvez nous en dire un peu plus, Philippe Rodez ? Disons que cette période précède le mouvement des grandes découvertes. Et ce mouvement des grandes découvertes, bon, qui aboutira à la colonisation d'une partie du monde, ne s'est pas fait sans que des conditions soient réunies du point de vue économique, du point de vue technique, du point de vue démographique. Et donc, si vous voulez, on a durant ces 14... C'est difficile finalement de séparer le 14e et le 15e siècle d'un côté, du 16e siècle de l'autre. Rien ne se serait fait sans tout ce qui se met en place à cette période. C'est-à-dire qu'on a une navigation qui se fait plus importante. On a aussi peut-être l'idée de nation qui, comment dire, se matérialise un peu plus, ce qui fait que on sait effectivement sur qui l'on prend. Par exemple, cette piraterie anglaise auquel je faisais allusion tout à l'heure, elle a pour but surtout de prendre des bâtiments français parce que finalement les Espagnols restent plutôt des gens dont on se méfie de par leur puissance et puis qui sont plutôt des alliés, donc l'ennemi est plutôt français. Et puis si vous voulez, le problème de prendre par exemple sur les Français ou plus précisément sur des Bretons va faire que les Bretons vont se mettre à escorter leurs navires de commerce. Donc vont se donner aussi les moyens d'avoir de prendre sur l'ennemi. Donc il y a une réciprocité, si vous voulez, de part et d'autre de la Manche par exemple, qui effectivement amène à une croissance de ces actes de prédation. Après, il faut pas s'y tromper, un historien dépend toujours de ses archives. Bien sûr. Et donc, quand on a plus d'archives, on peut effectivement affirmer et comptabiliser plus de ces actes. Avant, c'est tout simplement beaucoup plus difficile aussi d'opérer cette comptabilité. Oui, mais néanmoins, vous vous expliquez bien que ce 15e siècle va se renforcer, par exemple, le crime de fausse monnaie qui devient une offense royale par les ordonnances de 1431, que la piraterie suit à ce moment-là justement ce même crime de fausse monnaie. C'est-à-dire qu'en gros, on s'attaque pas simplement à un bateau qui passe par là, mais on s'attaque à ceux qui sont de la nation, et en particulier, on s'attaque au roi dont est originaire l'équipage de ce bateau. Et donc il y a cette question de la marque qu'il faut peut-être expliquer, vous l'avez mentionné tout à l'heure, Philippe Rodez, comme une sorte de solution judiciaire, expliquez-vous, qui autorise une victime à se dédommager sur la nation de son coupable, considéré comme solidaire de celui qui l'a agressé. Ce sont les lettres de marque qui marquent là aussi, sans faire de jeu de mots, qui marquent un début de période, pourrait-on dire, au 14e ou au 15e siècle, Philippe Rodez. Oui, voilà, exactement. Ces lettres de marque, donc, qu'on appellera plus tard des commissions en guerre, ces lettres de marque permettent, oui, aux marchands de se rembourser, tout en sachant que la piraterie, à partir du moment où elle est endémique, génère un marché économique, ouais. Tout comme finalement la piraterie des temps contemporains. Et donc ce marché économique peut aussi servir les intérêts non seulement des autorités locales, mais également de l'État. Si on va un tout petit peu plus loin, cette piraterie endémique anglaise à laquelle je faisais allusion précédemment, eh bien cette piraterie, elle a servi à Elisabeth à se forger une marine de guerre. Faut pas l'oublier. Mmh. C'est un petit peu la raison pour laquelle, elle entendait très mal les diplomates espagnols qui lui faisaient des reproches sur les prises qui leur étaient faites avant même que la guerre ne soit déclarée en 1585. Donc ce marché économique, il est important parce que à partir du moment où des gens viennent de toute l'Angleterre pour embarquer sur ces navires qui peuvent parfois former de véritables petites escadres de 10, 12, 14 unités. Mm-hmm. À partir du moment où des prostituées, des marins, que des tripots se mettent en place, des tavernes, etc. Et puis que le butin est liquidé, avec l'assentiment évidemment des autorités locales qui ferment généreusement les yeux. Eh bien, ce marché devient un marché important qu'on entend préserver. Et donc cette piraterie, là aussi c'est quelque chose peut-être d'important à souligner, elle a eu un rôle économique. Bien sûr. qui n'est pas négligeable, et donc on l'a entretenu à certaines époques, sans oublier le fait que dans les quelques procès qui ont eu lieu, puisqu'à certaines époques les pirates auraient dû être pendus par centaines, or ils n'étaient pendus qu'à l'unité, je dirais. Donc c'est bien que ils rendaient service. Quand on a effectivement la chance d'avoir le nom de ceux qui étaient partie prenante dans certains armements, on s'aperçoit que ça va directement jusqu'à l'entourage du monarque. Mmh. Donc c'est quelque chose qui localement est très important, mais qui va également jusqu'au cœur de l'État. Mais comment le pirate devient-il à partir de ce 15e siècle tel que on l'a décrit avec vous, de forge des nations européennes, en particulier donc de la France, de l'Angleterre ou d'autres nations comme l'Espagne? Comment ce pirate devient-il l'ennemi de tous tel qu'il le devient, celui qui fait la guerre à toutes les nations, celui qui est l'ennemi de tous tel qu'il est défini par le roi en France, en particulier à partir de la deuxième moitié du 15e siècle, Philippe Rodège? Alors, à partir de la deuxième moitié du 15e siècle, ce sont pas vraiment les pirates qui sont les plus nombreux. Hein. En plus, on n'est pas encore détaché complètement des guerres de religion. Donc, mmh, la religion a également beaucoup d'importance dans cette piraterie de l'époque. Hein. Les Huguenots s'appliquant à noyer évidemment les équipages catholiques qui font la même chose de leur côté. Ça, c'est au 16e, oui, donc ça, oui, plutôt. Voilà, 15e, oui, oui. Pardon, 16e siècle. Oui. Donc la religion prend de plus en plus de place et vient d'ailleurs justifier les actes de piraterie, parce que finalement, quand on veut faire disparaître un équipage qui pourrait se révéler être un témoin gênant, rien n'est plus facile que de mettre la religion en avant. C'est-à-dire les protestants d'un côté, les catholiques de l'autre, c'est cela? Exactement. Mais cette piraterie, finalement, n'a jamais été très très importante. En tout cas, elle n'a pas l'ampleur de celle dont on parle au moment de l'âge d'or de la piraterie. Et pour cet âge d'or de la piraterie, c'est peut-être autre chose qu'il faut voir. Je pense très sincèrement, et Marcus Rediker, donc historien anglais, l'a très bien montré à ce propos. C'est pas pour rien si la plupart des pirates sont anglo-saxons plus que français. Il y a des français, bien entendu. Il y a des capitaines corsaires français, que ce soit Desmarais, que ce soit La Buse, hein, ou Olivier Levasseur. Il y a eu un certain nombre, mais les anglo-saxons sont plus nombreux. Et c'est peut-être lié justement à la misère que subissent les gens de mer. Et cette revanche à laquelle vous faites vous faites allusion, elle est liée effectivement à ces mauvais traitements subis par beaucoup d'hommes qui préfèrent avoir une carrière très courte, parce que la durée de vie d'un pirate évidemment s'évalue à quelques petites années, hein, et rarement plus, mais qui préfèrent avoir une vie courte, mais profiter effectivement du fait que dans un navire corsaire, on mange mieux, on travaille moins, on élit son capitaine, on a une certaine liberté, on peut aussi d'ailleurs le dégrader, on l'a vu, et donc on a cette liberté, cet espoir aussi de s'enrichir très vite, d'un seul coup, et d'ailleurs ça n'est pas pour rien si à la même époque les premiers pirates sont ceux qui ont fait les plus jolis coups, et ça n'est pas du tout pendant cet âge d'or qu'on fait commencer en 1700 et qu'on pousse jusqu'en 1726, c'est en fait la décennie qui précède la décennie 1690, où les plus belles opérations ont été réalisées, non pas dans l'Atlantique mais dans l'océan Indien, et plus précisément en mer Rouge, et là des gens comme Thomas Tew ou Henry Avery ont fait des prises incroyablement riches. Quand je dis incroyablement riches, je précise incroyablement riches dans le lot, dans la part qui a été redistribuée à chaque homme. Mm-hmm. Je sais pas si vous vous rendez compte, Tew, c'était avec un petit sloop, hein, qui s'appelait l'Amity, a fait une prise qui a permis de donner à ses 60 hommes d'équipage, il n'était que 60, quelque chose comme 1200 livres sterling. C'est énorme. Et un marin, à l'époque, ne touche qu'une livre sterling par mois. Oui, effectivement. Donc, en une seule fois, voilà. Et donc, si vous voulez, ce désir de liberté, d'une vie meilleure, quitte à ce qu'elle soit plus courte, s'accompagne de l'espoir de faire effectivement des coups très importants. Et d'ailleurs, je disais Tew, je disais Avery, si on va un tout petit peu plus loin, on arrive avec le fameux Captain Kidd, et grosso modo, c'est à peu près tout à propos des grandes opérations. Bon, le Vasseur fera encore une très belle prise plus tard, mais c'est par distribué à chaque homme ses parts très importantes, c'est dans cette décennie 1690. Et donc c'est elle, en quelque sorte, qui a alimenté les années qui ont suivi en termes de volonté, justement, d'un enrichissement très rapide. Alors, ce qui est fort intéressant, c'est que vous nous avez expliqué tout à l'heure, Philippe Rodège, combien ce que l'on appelle l'âge d'or de la piraterie, que vous venez de décrire à l'instant même, avait partie liée, pourrait-on dire, historiquement parlant, avec une période plus ancienne qui précède la conquête de l'Amérique et qui se remonte au milieu du 15e siècle. C'est vrai que cette conquête de l'Amérique et le partage de Tordesillas, qui est issu de cette conquête entre Portugais d'un côté et Espagnols de l'autre, avec cette ligne qui traverse l'Atlantique et qui permet aux Portugais de s'installer au Brésil tout en laissant tout le reste de l'Amérique aux Espagnols. Eh bien, cette conquête de l'Amérique est en cause dans le développement des échanges internationaux marchands. Le pillage, évidemment, des richesses de cette Amérique revenue en Europe. Tout cela participe de la naissance et du développement d'un phénomène de course en particulier, dont vous expliquez que les Français ont été les pionniers. Au tout début du XVIe siècle, ce qu'on a tendance à oublier, vous parlez de Jean Fleury, de François Leclerc, dit Jambes de Bois, et de bien d'autres, qui dans la première moitié du XVIe siècle ont été des personnages fort importants, parce que ils coupaient la route, pourrait-on dire, c'était des coupeurs de route maritime, ils coupaient la route des navires revenant du Nouveau Monde vers l'Ancien Monde, Philippe Rodège. Quand les Espagnols et les Portugais ont opéré ce partage du monde, donc en 1494, immédiatement, les Français se sont, alors d'abord, et François Ier ont protesté énergiquement, hein, on connaît tous cette phrase du soleil qui lui pour tout le monde, hein, et puis de ce partage d'Adam, hein, qui permet à chacun d'aller où bon lui semble, mais si vous voulez, cette les Français ont profité aussi d'un contexte, c'est-à-dire que le XVIe siècle, bon, ce sont les guerres d'Italie hein, jusqu'en 1559, et puis ensuite ce sont les guerres de religion. Donc ces conflits, huit guerres à chaque fois, permettent de légaliser, je dirais, les opérations qui sont faites outre-Atlantique. Et donc on a effectivement côté français des opérations qui se montent au début de chaque guerre et qui se poursuivent en général, alors que la guerre, elle, est terminée déjà depuis quelques mois. Et on prend finalement l'habitude de traverser l'Atlantique. C'est corso pirate, hein, pour reprendre une expression qui garde quand même un certain aspect légal dans la conception. Eh bien, c'est un mélange entre corsaire et pirate. C'est ce que vous voulez dire. Oui, parce que ces gens-là ont des lettres, finissent par avoir des lettres de marque, hein, et ont l'autorisation de partir. Simplement, après, normalement, ils sont censés ramener le butin et le partager selon les règles. Et c'est là peut-être effectivement que commence l'illégalité. Mais ces gens donc vont ou en Amérique ou alors et les coupeurs de route auxquels vous faisiez allusion c'est simplement le fait de comment dire que la navigation à voile oblige à partir du moment où on ne connaît pas où on ne sait pas se positionner en termes de longitude on est obligé de se positionner sur une latitude et de la conserver d'un point à un autre de l'Atlantique en espérant effectivement atterrir au bon endroit, c'est-à-dire particulièrement aux Açores, hein, le retour d'Amérique, ce sont les Açores, hein, qui servent les îles de Corvo et Flores, hein, qui servent d'atterrage, hein, on fait langue et là on peut se positionner sur une carte. Donc évidemment, tout corso pirate a intérêt à se positionner et à faire des croisières, à établir des croisières dans ces atterrages particuliers où on attend tout simplement le navire portugais, lusitanien ou le navire espagnol. Après, si vous voulez, c'est vrai que ce qui est fabuleux chez ces flibustiers, hein, on les appellera comme ça, et plus tard chez ces pirates, c'est le fait qu'ils prennent l'habitude d'opérer des traversées de façon tout à fait fabuleuse. Je veux dire, ils engrangent des kilomètres, des milliers de kilomètres et font des raids, oui, mais ont des routes qui sont parfois très très longues. Et donc dès avant finalement le traité de Tordesillas ou à cette époque, on commence aussi à se dire que un bateau pirate, c'est un bateau finalement qui navigue comme les autres, c'est-à-dire qu'il a besoin d'un équipage qui soit complet. Il a besoin de charpentiers, il a besoin de canonniers, il a besoin de chirurgiens, il a besoin évidemment d'officiers. C'est exactement la même chose qu'un corsaire, par exemple. Et donc, quand on ne dispose pas d'un équipage complet, avant même de penser à s'attaquer à l'ennemi ou à autrui, eh bien, il faut compléter son équipage. Et donc, la zone s'étend. C'est-à-dire que la première piraterie anglaise avait pris l'habitude d'aller compléter ses équipages à Terre-Neuve. Tout simplement parce qu'à partir du mois d'avril, les premiers pêcheurs commence à apparaître, que ce soit la pêche sédentaire ou le fait de se banquer et donc de faire de la morue salée, on a là des bateaux qui arrivent avec des gens qui peuvent remplir tous les postes de la maistrance, et donc il est très tentant, évidemment, ces bateaux ne pouvant se défendre, il est très tentant de s'en emparer et de prélever sur ces bateaux, alors tout à la fois les vivres, oui, dont on aura besoin pour la les campagne, équipages aussi. Voilà, les rechanges de voiles, de mâts, etc., dont on aura besoin, et vous l'avez dit, les équipages. Et donc, si vous voulez, vous avez, alors non pas une mondialisation, mais vous avez une utilisation de l'espace qui est particulièrement importante et chez les flibustiers et chez les pirates, puisque en général depuis Terre-Neuve, après, il apparaît tout à fait intéressant d'aller directement en Afrique. Donc ces gens-là, voilà, n'hésitent absolument pas, traversent, vont en Afrique. Là, ils savent qu'ils pourront faire des prises. Alors après, c'est une autre question de savoir si l'esclave est considéré comme une marchandise intéressante ou pas, mais en tout cas faire des prises. Et puis par la suite, effectivement, les flibustiers ont pris l'habitude dans les années, je dirais 1680, de franchir l'isthme de Panama, d'emprunter le détroit de Magellan, puis ensuite ce sera le Cap Horn, et donc d'aller hanter ce qu'on appelle la mer du Sud, c'est-à-dire le Pacifique, hein, sur les côtes chiliennes, boliviennes, etc. Par la suite, il prend l'habitude aussi de doubler le Cap de Bonne-Espérance, le Cap des Tempêtes, et puis d'aller dans l'océan Indien, où il dispose de bases, hein, c'est la fameuse base de Sainte-Marie, de Madagascar, mais aussi les Comores. Et donc, vous assistez effectivement au fait que ce phénomène flibustier et pirate, eh bien, occupe tout l'espace marin très rapidement, puisqu'on a aussi des pirates, des flibustiers qui n'hésitent pas à franchir le Pacifique et rentrer par l'océan Indien. Donc c'est quelque chose effectivement d'extraordinaire que de voir l'utilisation des routes et le fait effectivement que sans sourciller, ces gens-là entreprennent des traversées tout à fait fabuleuses. Et puis il y a effectivement des spécificités nationales qui se dessinent, des noms qui sont décidés pour chacune des nations en concurrence, les chiens de mer pour l'Angleterre d'Elisabeth Ier, les gueux de mer pour les Pays-Bas. On a des des qualificatifs nationaux qui se mettent en place et qui définissent. Est-ce que ils définissent ces qualificatifs nationaux des qualités au sens non pas de qualité et de défaut, mais des façons d'être différentes dans ce milieu très vaste que vous décrivez en profonde expansion entre le 16e et le 17e, 18e siècle, Philippe Rodège? Pas particulièrement. Je dirais que ce qu'il faut peut-être surtout souligner, encore une fois, c'est le fait que ces gens-là travaillent ensemble. Alors certes, ils sont anglais, ils sont français, ils sont néerlandais. Certains d'ailleurs sont aussi des Espagnols ou des Portugais. Et puis il y a bien sûr des Africains. Mais si vous voulez, ces gens-là prennent l'habitude de frayer ensemble. C'est-à-dire que les Français ont apporté l'expérience. Ils ont été les premiers à s'emparer de des skiffs espagnols. Alors, on pouvait peut-être pas quand même s'emparer d'un galion, mais en tout cas les navires isolés étaient des proies tout à fait abordables. Je pense que le mot est d'ailleurs tout à fait juste. Tout comme effectivement les villes espagnoles au XVIe siècle sont encore des villes en bois, donc il n'est pas étonnant de voir que des villes soient incendiées jusqu'à 10 ou 12 fois. Certaines le sont même tous les ans. ça devient presque un rituel. Donc cette expérience, elle a été importante lorsque les Anglais, alors on peut situer ça à partir des années 1560, lorsque les Anglais ont commencé à leur tour à s'intéresser à ce phénomène. Jusqu'à présent, l'alliance entre l'Angleterre et l'Espagne était très forte, mais avec l'accession sur le trône d'Elisabeth Ier d'Angleterre, les choses se distendent un petit peu. Elle a décidé, elle, d'être la championne du protestantisme, et elle n'épousera pas Philippe II, donc c'est un premier pas. Et puis surtout, il y a des raisons économiques aussi qui expliquent que les Anglais réorientent leur économie maritime, et que finalement, pour réorienter cette économie, il y a besoin de fonds, il y a besoin d'argent, et que la piraterie dans un premier temps, la course dans un second, c'est-à-dire au moment où la guerre sera déclarée, eh bien fournira ces capitaux nécessaires pour fonder un certain nombre de compagnies de commerce, dont notamment la plus connue est la Compagnie des Indes Orientales, le IC, en 1600. Et donc les Français et les Anglais vont travailler main dans la main, faut pas l'oublier. La Rochelle devient le grand port finalement où se croisent ces Anglais, ces Français et puis également ces Néerlandais. Hein, l'indépendance des Pays-Bas, elle est née un 1er avril 1572, quelques mois avant la Saint-Barthélemy, de pirates qui ont asphyxié la ville d'Anvers en en occupant les îles qui se trouvaient à l'embouchure de l'Escaut. Or, d'où étaient partis ces pirates ? Ils étaient partis de La Rochelle, avec la complicité, bien sûr, hein, de Huguenots. Et donc, si vous voulez, cette façon de travailler, eh bien, au XVIIe siècle, elle se retrouve, cette façon de collaborer, hein, elle se retrouve tout à fait parmi les flibustiers qui sont créoles, je dirais, enfin créoles, ou en tout cas qui s'établissent durablement aux Antilles. Et donc, on a par exemple dans les équipages flibustiers français, on a des capitaines, prenez Van Horn, prenez De Graaf, ce sont de grands capitaines qui sont, voilà, pas besoin de le dire, qui sont néerlandais, on en a qui sont anglais, et qui effectivement sont naturalisés français par la suite, tout simplement parce que la France est en guerre un peu plus longtemps avec l'Espagne et continue à délivrer des commissions. Et ces équipages, multinationaux, oui, hein, oui. Ça va rester au moment de la piraterie, tout simplement. C'est toute une masse de gens, encore une fois, qui ne veulent pas faire l'effort de travailler la terre, qui ne veulent pas avoir d'esclaves, ça les intéresse pas de s'établir. Eh bien, ces gens-là deviennent forbans, et donc ils deviennent forbans dans les équipages où ils se trouvent, c'est-à-dire avec des gens qui sont d'autres nationalités. Et c'est ça peut-être qui fait la force peut-être de la piraterie, c'est que ce sont des gens de toutes les nations. Et ce qui est très intéressant quand on vous lit le livre collectif que vous avez composé avec Gilbert Buty au CNRS Éditions qui s'appelle Histoire des pirates et des corsaires de l'Antiquité à nos jours est tout à fait passionnant, tout aussi passionnant d'ailleurs que le dictionnaire des corsaires et pirates chez ce même éditeur CNRS Éditions. C'est une des questions sur laquelle vous insistez. Vous faites beaucoup d'histoire sociale de la piraterie et du milieu des corsaires. Vous faites aussi une histoire économique. Vous dites que dans les années entre 1585 et 1603 où les Anglais, donc avec Francis Drake et d'autres, se lancent justement dans les guerres contre l'Espagne, eh bien, au bout du compte, les prises de ces guerres, ce n'est pas grand-chose. Vous dites que ça n'est que 4% du trafic espagnol qui revient du Nouveau Monde, soit 59 navires espagnols des Antilles. Donc on peut se poser aussi la question de l'efficacité, justement, de cette énergie qui est mise à créer des flottes pour pouvoir interrompre le commerce de l'adversaire et en capter une partie, Philippe Rodège. Et c'est là justement que la partie psychologique peut-être a son importance, parce que vous avez tout à fait raison. Certaines flottes de Drake ont eu des des résultats tout à fait extraordinaires, hein. Le tour du monde par exemple de Francis Drake a permis à ses actionnaires, hein, de percevoir, alors on parle de dividendes qui s'élèveraient à 3 700%. Je sais pas si une entreprise du CAC 40 aujourd'hui pourrait développer ce genre de bénéfices. Alors bon, vrai ou pas, et tout en sachant que lui-même évidemment on avait pris soin d'en garder une partie pour lui, c'est vrai qu'il y a eu ces opérations dont on a beaucoup parlé. Et puis à côté, il y a eu des flottes considérables qui ont été armées et qui ont débouché financièrement sur des échecs. Sauf que il y a l'aspect psychologique, il y a le fait qu'une nation se retrouve dans une expédition. C'est l'Angleterre qui, à travers plusieurs dizaines de bâtiments, à travers plusieurs milliers d'hommes, combat l'Espagne. Bien Donc sûr. Ce sont des horizons qui s'ouvrent. Ce sont des jeunes gens, des cadets de famille qui vont s'enrôler dans la marine parce que justement on leur a parlé de ces expéditions et donc finalement l'État britannique a tout à fait profité, ouais, hein, de cette situation. Des fois il faut peut-être finalement savoir perdre de l'argent. Sans compter qu'effectivement, c'est à l'orée d'une véritable révolution militaire qui a été décrite formidablement bien par Geoffrey Parker, une révolution militaire qui va justement donner de la puissance à tous ceux qui se sont lancés un peu en gribouille parfois sur ces routes maritimes de la piraterie et du milieu des corsaires. Va leur donner de la puissance parce qu'ils vont être en capacité de développer très rapidement des flottes qui vont devenir des véritables flottes pour conquérir l'ensemble des mers de la planète. Oui, exactement. Puis on le montre. Donc j'ai un certain nombre de collègues qui ont accepté de contribuer pour bien montrer l'importance de la naissance de ces flottes. Très clairement, la Royal Navy est née de bâtiments pirates agglomérés avec des bâtiments d'État, mais à qui on donnait des missions corsaires ou des missions pirates. Du côté américain, la guerre d'indépendance américaine. L'US Navy, c'est à l'origine de grosses frégates armées en course. Et puis, on l'a montré aussi, hein, Nicolas Terrien particulièrement, dans les guerres d'indépendance sud-américaines, ce sont là encore des bâtiments pirates qui ont été à l'origine des flottes de guerre qui se sont développées par la suite. Donc, dans bien des cas, c'est finalement ces corsaires qui pouvaient à l'occasion être des pirates, eh bien, ont été à l'origine, à la base de la formation de marine nationale, tout simplement. Merci beaucoup, Philippe Rodège, de nous avoir accompagnés pour cette première émission consacrée à l'histoire des pirates dans la fabrique de l'histoire. C'est la première fois que nous traitons de ce sujet qui est pourtant profondément renouvelé, et on ne peut que conseiller à nos auditeurs la lecture de ces deux ouvrages collectifs que vous avez co-dirigés avec Gilbert Buty, publiés au CNRS Éditions. Donc Philippe Rodège, le dictionnaire des corsaires et des pirates et l'histoire des pirates et des corsaires de l'Antiquité à nos jours. J'imagine qu'il y a encore beaucoup à découvrir parce que c'est un champ sur lequel vous êtes maintenant assez nombreux, Philippe Rodège, à travailler. Alors, une dimension notamment qui fera l'objet d'une émission au cours de cette semaine, c'est l'archéologie, effectivement. Bien sûr, ce sera mercredi dans la fabrique de l'histoire. Et ça apporte énormément. Alors, en termes de connaissances de construction de navires, mais aussi en termes de vie, de culture matérielle, comme l'on dit. Là aussi, c'est très important de voir ces objets que côtoyaient les pirates, et pas forcément en termes de pièces de 8 ou en pièces d'argent, mais les objets de la vie quotidienne en permettent d'apprendre beaucoup de choses. Après, il y a d'évidence encore beaucoup de papiers certainement qui n'ont pas été lus, qui n'ont peut-être pas encore été trouvés, et donc il faut espérer que dans certains greniers il y ait encore quelques témoignages. Encore une fois, s'agissant de la question très très particulière de la piraterie, parce qu'encore une fois, la piraterie c'est vraiment une goutte d'eau parmi ce monde des gens de mer. À titre d'exemple, simplement, quand vous allez aux Antilles durant ce fameux âge d'or, c'est pas tellement les bateaux pirates qui défraient la chronique que ce qu'on appelle les interlopes, c'est-à-dire ces navires qui font du commerce, je dirais, qui ne respectent pas l'exclusif décidé par chaque nation à l'égard de ses colonies, et qui vont donc livrer des marchandises, qui vont en chercher d'autres. Vous avez une nuée, si vous voulez, d'interlopes ou de trafiquants ou de traders, comme on les appelle, qui viennent du Rhode Island, qui viennent de Boston, et qui viennent d'ailleurs de partout en Europe, et qui sont bien bien plus nombreux que les quelques navires pirates qui naviguent dans ces eaux à cette époque. Encore une fois, ce sont les victimes qui parlent souvent des pirates, pas les pirates eux-mêmes. Et donc, il faut espérer, oui, qu'on puisse trouver encore d'autres témoignages. Merci beaucoup, Philippe Rodège, et bonne journée à vous. Merci à vous. Demain, nous vous parlerons de piraterie antique dans cette série consacrée à la piraterie dans la fabrique de l'histoire. Une émission préparée par Céline Leclerc et Marion Dupont. Fabien Capel était avec nous à la technique aujourd'hui et Renaud Dalmar à la réalisation. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, allez sur le site internet de France Culture, franceculture.fr. Vous pouvez également discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire, ou encore nous suivre sur le réseau Twitter à l'adresse Fabrique FC. Fabrique FC. À demain.